Chapitre 2e. À l'heure dite, le lendemain, Archibald MacGrath arriva pour le thé, et Hammersby, en parfait homme du monde, se montra particulièrement cordial à son égard. Rien de plus simple d'ailleurs, car le policier, contrairement à l'image qui collait aux gens de sa profession, était d'un bon naturel et d'une gaieté communicative. On prit le thé. Avec son tact tout aristocratique, le comte n'en vint pas directement au fait qui avait motivé la venue de son ami. La conversation s'orienta d'abord sur la vie du club et les dernières heures ou malheurs des autres benefiteurs. MacGrath joua le jeu et parut intéressé par les faits et gestes de gens n'ayant à ses yeux qu'un intérêt mondain. Il écoutait sans ennui, contrairement à l'image qui collait aux gens de sa profession. Il hochait la tête gravement en évoquant la faillite d'un tel ou faisait quelques bons mots à propos de la maîtresse de tel autre. Puis, afin de ne pas faire perdre trop de temps au surintendant, Hammersby prit ses dispositions pour que tous les éléments de la visite de son domicile lui soient communiqués. Le majordome répéta mot pour mot ce qu'il avait déclaré à son maître. Le détective s'étonna du peu de personnel qui se trouvait sur place au moment de l'attaque. « Ainsi donc, vous étiez seul ?»« Oui, monsieur. La femme de chambre est autorisée à rejoindre son époux du vendredi au samedi, elle n'était donc pas là. Vous n'êtes que deux pour une si grande demeure ?» Le comte ne laissa pas le temps à son maître d'hôtel de répondre, conscient que son standing aurait dû lui coûter l'appointement d'une bonne demi-douzaine de domestiques. Or, il ne souhaitait pas que ces discussions mettent au grand jour sa pingrerie maladive. « Ils sont quatre, puisqu'il y a un cuisinier qui vient préparer les repas et mon cocher qui fait en même temps office de valet de pied. Je suis fort peu de temps à Londres, en réalité. Le gros de mon personnel demeure donc à Sandworth pour s'occuper du manoir et du domaine. » « Donc, résuma MacGrath, continuant son dialogue avec le majordome, la soubrette en congé, le cuisinier ayant quitté ses fourneaux et le cocher se trouvant à Westminster, vous étiez seul, comme tous les vendredis sans doute. Effectivement. Et une surveillance sérieuse des habitudes de la maison pouvait facilement instruire vos agresseurs de ce moment propice à leur entreprise. Probablement. Donc ces gredins savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et s'ils sont repartis sans rien, c'est soit que malgré leurs efforts ils n'ont rien trouvé, soit qu'ils se sont emparés de quelque chose de suffisamment bien caché pour que même vous, cher comte, vous en ignoriez l'emplacement. » Lord Hammersby et son serviteur se regardèrent et hochèrent la tête de concert. La logique du policier leur sembla implacable. « Conduisez-moi, je vous prie, dans le cabinet de travail dont vous m'avez dit qu'il avait occupé le plus clair du temps des intrus. « Suivez-moi, » dit le majordome après qu'un clignement de paupières de son patron lui eût exprimé l'assentiment de ce dernier. « Vous m'y laisserez seul, et vous ne me dérangerez pas. » Face à l'incompréhension qui se lisait sur le visage du noble, il ajouta « En revanche, si le temps approximatif du cambriolage touche à sa fin, là vous viendrez me dire que la durée est écoulée. Je vais tâcher de raisonner comme un voleur. » Ainsi fut fait. Pourtant, au bout d'une heure, MacGrath se rendit dans le petit salon où Hammersby tirait nerveusement sur sa pipe en l'attendant. « Cher ami, suivez-moi. Vous avez trouvé quelque chose ?» L'Écossais le gratifia alors de son sourire enjôleur, et une fois tous les deux dans la pièce, il lui désigna un magnifique secrétaire de style empire. « D'où vient ce meuble ?»« Il me vient de mon aïeul Lady Grace. Il était dans le bureau de mon père à Sandworth. Quand j'ai refait la décoration de la pièce là-bas, il n'était plus dans le style. Alors je l'ai fait porter ici à Londres. Il n'est pas très pratique, mais il a une forte valeur sentimentale. C'est pour cela que je n'ai pas voulu m'en séparer. « Et grand bien vous en a pris, » déclare le policier. « Sa valeur n'est pas que sentimentale, croyez-moi. Je ne suis pas antiquaire, mais je pense qu'il vaut une petite fortune. » Le comte scruta attentivement le meuble, et la prunelle de ses yeux sembla tout à coup se changer en souverain d'or. « Vraiment ? » s'enquit-il. « Oui, ce n'est pas un banal secrétaire, mais un meuble à secret, de la plus belle facture. » Face à Hammersby tout hébété, MacGrath précisa. Il n'est pas de meuble plus approprié pour soustraire aux yeux indiscrets papier compromettant, billets galants ou liasses de billets. C'est l'œuvre ingénieuse d'un ébéniste français inspiré par la mode des meubles mécaniques, venu d'Allemagne à la fin du XVIIIe. Ce type de mobilier est l'une des créations les plus habiles de l'artisanat humain. Il a été conçu pour les petites cachotteries comme pour les grands mystères. Le parlementaire avait tressailli au moment où son compagnon avait prononcé le mot français. « Encore eux » pensa-t-il in petto. « Ils étaient là pour lui ?» marmotta-t-il en désignant l'objet du doigt. « Non, et oui. Non, car il n'aurait eu aucun mal à l'emporter. Oui, parce qu'il recelait quelque chose qu'il cherchait avidement. » Le comte ne pipa en mot, Le policier continua de parler comme s'il réfléchissait à voix haute. Si le temps leur a manqué, le plus simple était de le voler. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne voulaient pas attirer l'attention de la police. Et pourtant, vous êtes là. Par amitié, cher comte, et par curiosité. Si vous étiez allé au poste de police raconter cette histoire, on vous aurait fait déposer une main courante et pas davantage. Et nous serions passés tous deux à côté de quelque chose d'énorme. D'énorme ? Oui, confirma Magraff, sortant un papier jauni de sa poche. Ce meuble comportait 22 cachettes et... Comment pouvez-vous en être certain ? L'interrompit Hammersby au comble de l'excitation. « Oh, c'est bien simple. Dans l'avant-dernière trappe, il y a une dédicace gravée. À Éléonore, que 22 coups de canon célèbrent nos amours secrets et notre fils. N. Coup de canon. Sachez qu'il n'existe que 3 exemplaires identiques de ce meuble dans le monde. Le plus célèbre est à la Malmaison et il appartenu à Joséphine de Beauharnais. Un autre avait été offert à Marie Balewska, la maîtresse polonaise de l'ogre, qui était volée à son fils Alexandre, ici à Londres, il y a une 50aine d'années. Il est porté disparu depuis. Et celui-ci qui a été offert à Éléonore de Nuel de la Plaigne, la première femme à avoir donné un fils à Bonaparte, le comte Léon. Le N, c'est pour Napoléon, justement. De plus en plus effaré, le lord regardait ce meuble sur lequel il avait passé des heures à écrire en ignorant tout de sa prestigieuse histoire. Bonnet ? Dit-il en manquant de s'étouffer, reprenant à son compte le ridicule diminutif que les Anglais donnaient à Bonaparte en raillant sa soi-disant petite taille. « Eh oui. Lors d'un séjour à Paris, j'ai vu l'exemplaire de l'impératrice. Celui-ci est identique. « Pourquoi 22 coups de canon ?» demanda Hammersby, recouvrant ses esprits. « Je ne sais pas pourquoi ce nombre, précisément. En revanche, je sais que c'est ainsi que Napoléon se plaisait à annoncer la naissance d'un fils. 21 tirs pour une fille, 101 pour un héritier, tel était le code impérial. Impossible de concevoir un meuble à 101 cachettes, cela aurait fait trop de mécanismes. Donc un seul tiroir secret de plus a lui semblé suffisant, symboliquement parlant. Ce que je ne m'explique pas, c'est comment vous pouvez l'avoir chez vous. Celui volé à l'ambassadeur Balewski, j'aurais compris, mais celui-ci n'aurait jamais dû quitter la France. Cette fois j'ai la réponse, affirma fièrement le parlementaire. Pas mécontent de pouvoir apporter un peu d'eau au moulin du policier. Mon arrière-grand-mère, Lady Grace Dalrymple Bentinck, a vécu en France de longues années, et elle a fréquenté la haute société française. Elle a même été la compagne du duc d'Orléans, le père du futur roi Louis-Philippe. Il y a fort à parier qu'elle a acheté ce meuble lors d'un revers de fortune de sa précédente propriétaire. « Oui, cela se tient, » acquiesce alors l'Écossais. « Tenez, regardez, voilà ce qu'ils cherchaient, et qu'ils n'ont pas trouvé, puisqu'il était toujours là. » Où je l'ai déniché. Le précieux document était fort heureusement toujours dans sa cachette. Il tendit alors au comte la petite feuille jaunie, pliée en 4. Ce dernier l'ouvrit et tomba sur un court poème en français. En notre manoir prendra tout son sens la relique spectrale de Sporley, le roi dont le peuple pleure l'absence, à ses pieds d'argile dissimulée, l'insigne glorieux qui fut le désastre, signe mouvant des étoiles et des astres. S.E.A. L'émotion sembla alors le submerger. Vous parlez donc la langue de Molière ? Demanda le détective. Absolument pas, se défendit Reginald. Et mon père non plus. Et pourtant cette écriture est bel et bien la sienne. Je la reconnaîtrai entre 1000. Quant à la signature S.E.A., elle ne signifie pas mère, mais Seymour Elliot Andrew. C'est l'intégralité de son prénom. Margraf fit silence un moment pour laisser au comte le temps de se reprendre, puis il lui dit. Ce texte pour initier est bien mystérieux. Cela me plaît, puisque manifestement il s'agit d'un jeu de piste et que la première case est clairement dans votre demeure familiale. Que diriez-vous si nous partions quelques jours là-bas à la chasse au secret ? Je ne me serais pas permis de vous le proposer, mais puisque cela vient de vous... J'ai une enquête en cours. À n'en pas douter, le voleur sera en mon pouvoir en milieu de semaine prochaine. Ensuite, je puis facilement poser quelques jours et vous accompagner en Cambrai. Cela me convient. Tout sera prêt pour vous y accueillir.